La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir la revue à la télé? Oh, ben, je veux voir le gars. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille édition du dimanche Pascal, le dimanche 1er avril 2018. Je vous propose ce soir un retour sur le mois multi de février dernier qui accueillait deux artistes sonores des plus lumineux, deux créateurs hors normes, je dirais, dont la démarche et la réflexion autour d'une radiophonie de proximité est particulièrement stimulante. Alors, pour plonger sans plus tarder dans l'univers sonore de Julien Claus et d'Emma Loriot. On écoute ensemble un extrait du projet Modulation édition 2013. C'est un événement radiophonique organisé par Julien Claus et tenu en nature depuis plusieurs années dans le sud de la France. Tu peux attendre un peu, s'il te plaît. Oui, reste. Je voudrais vraiment que tu restes. Reste un peu, s'il te plaît. Sans quoi? Sans l'aube. Sans qui? Comment sans l'aube? Sans quoi? Comment sans l'aube? Comment sans l'aube? Sans écorce. Restez sans écorce. Comment sans l'aube? Et tes racines, elles sont où tes racines? Sans quoi? Sans quoi? Alors, le mois multi recevait en février dernier les artistes Emma Loriot et Julien Clauss, deux créateurs passionnés par la performance radiophonique, le mystère des ondes invisibles qui nous environnent et par cette idée particulièrement singulière d'une radiophonie de proximité, là où le diffuseur radio et l'auditeur se trouvent réunis dans un même espace pour une interaction d'écoute et de regard mutuel. Alors, il faut le dire, l'expérience est vraiment singulière. Ça peut se passer dans un centre d'artistes. Je pense évidemment à cette salle de brouillage présentée par Julien Clauss au Centre Gare à Lévis en février. Ça peut aussi se passer dans un resto, dans un parc urbain, un boisé en lisière de la ville. À Québec, Julien et Emma ont performé pendant une vingtaine d'heures sur ce mode de la radio immédiate, en émettant sur des longueurs d'onde quasi clandestines, et ça pour de nombreux auditeurs munis de récepteurs radio. Ça se passait au Tam Tam Café le 17 février dernier pour une lecture intégrale du roman de Stéphane Larue intitulé « Le plongeur », le tout agrémenté de mets préparés par la cuisinière gastronome inventive Cécile Clauzel. Alors, je vous les présente. Emma Loriot est une artiste multidisciplinaire qui s'est frottée à de nombreux savoirs artistiques et métaphysiques. J'en cite quelques-uns. La danse contemporaine, la photographie, le violon classique, le théâtre, la broderie, l'astrologie et les médecines alternatives. Ses réalisations artistiques sont conséquentes puisqu'elles allient le travail du corps, de la présence et de la voix à celui de l'espace et du temps. Sa pratique artistique, Emma, elle la qualifie avec légèreté de philosophie appliquée. Elle tente de créer des situations d'émission et d'écoute autour des notions d'affinité, d'invisibilité et de présence mutuelle dans le monde réel. Pour ce qui est de Julien Clauss, il a étudié la musique et les sciences physiques. Il réalise depuis le début des années 2000 des pièces sonores, des installations audio-tactiles. Et là, je pense évidemment à Stimuline qu'il présentait avec Lynn Pook au mois multi de 2010, une installation qui mettait en travail l'exosquelette des auditeurs. Et il a aussi travaillé les dispositifs radiophonique. L'approche de Julien Clauss sur le plan sonore est plutôt abstraite, située à l'intersection de la musique répétitive, électronique, minimaliste ou bruitiste. Comme je l'ai mentionné sous le titre de modulation, Julien organise depuis 2010 des événements de sonorité expérimentale, spatialisée et radiophonique dans des lieux atypiques. On peut les qualifier comme ça. Alors, c'est des sites en montagne, c'est parfois un viaduc autour d'un lac, au cœur d'un terrain de jeu. Bref, tout cela pour dire que Julien Clauss propose une démarche sonore qui interroge notre rapport aux ondes hertziennes et qui s'inscrit, ma foi, toujours au cœur d'une expérience de vie concrète, qu'elle soit physique, sociale, géographique ou politique. Alors, tous les deux, Julien Clauss et Emma Loriot, m'ont accordé un entretien vraiment passionnant durant leur passage à Québec pour me parler de leur démarche artistique, de leur vision du monde sonore et leur réflexion sur la radiophonie, notamment l'omniprésence des ondes radio et notre présence au monde. Alors, on les écoute, je leur donne la parole. Julien Clos, Emma Loriot, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Julien, Emma, ma première question serait la suivante. Comment vous arrivez tous les deux, différemment évidemment, mais comment vous arrivez tous les deux à vous intéresser à la matière sonore? Bon, alors on attaque fort tout de suite. Comment on arrive à s'intéresser? Parce que là, on est au cœur du réacteur et immédiatement avec les questions que, bon... Moi, j'essaye de faire de la sculpture avec du son. Alors, quand je dis ça aux gens, en général, ça, bon, ils se disent que ce n'est pas une bonne idée, ce qui, est, effectivement, à un endroit, n'est pas une bonne idée, puisque faire des arts, quelque chose qui se range plutôt dans les arts visuels, mais qui ne se voit pas, ça pose un premier problème de visibilité. Et quand bien même j'arrive à lui donner forme, puisque l'enjeu c'est de construire du son qui dure, c'est-à-dire qui pour moi est un rapport avec lequel on puisse avoir un rapport équivalent à celui de la sculpture, donc d'avoir un objet qui est là dans l'espace, qui l'occupe d'une certaine façon, et qu'on puisse explorer la forme de cet objet, soit parce que lui se déplace, soit parce que nous on se déplace dedans. Donc ça implique déjà des modalités de rencontre avec cet objet sonore qui sont assez particulières, en tout cas qu'il faut construire et qu'il faut communiquer au public. Et cette question de l'invisibilité, ensuite, elle déteint à plein d'endroits. Et c'est un peu elle qui m'a amené sur la question des champs électromagnétiques, donc de m'intéresser plus profondément à différentes dimensions de l'environnement et des dimensions invisibles notamment. Et de l'électromagnétisme aux ondes radio, et à ce large spectre du champ électromagnétique qui comprend la radio naturelle, et pour la partie qui m'intéresse le plus, la bande FM. Emma, dites-moi, comment on s'insère dans cette aventure à la fois ondulatoire, pour parler des ondes, et radiophonique dans votre cas, parce que votre parcours est plutôt celui de la performance scénique? Oui, en fait, je crois que le cœur de ma démarche artistique aujourd'hui, j'ai enfin compris ce que c'était, c'est là où on se rejoint avec Julien, c'est-à-dire que c'est la question de l'invisibilité dans ses différentes acceptions, c'est-à-dire autant au niveau sonore, c'est-à-dire électromagnétique et ondulatoire, que sur des questions plus politiques et sur des questions voire mystiques et spirituelles. Et on rejoint ces différentes acceptions de l'invisible à travers le travail qu'on fait, Julien et moi, le travail de l'espace. Donc voilà, tout se décline à partir de ça, et à chaque fois qu'on pose quelque chose, que ce soit un geste ou un objet dans l'espace, on ne va pas essayer de rendre visible ce qui est invisible, mais on va essayer de donner à sentir ce qui est invisible, oui. Ce qui est une légère différence, mais qui fait toute l'œuvre. Voilà, pour ma part, je peux peut-être donner une petite anecdote. Ce qui me fait aborder le son dès mon plus jeune âge, c'est que je suis issue d'une famille de musiciens. Et notamment, mon papa est facteur d'orgue. Donc j'ai passé mon enfance à grandir dans des églises, mais en n'ayant pas du tout un rapport à la religion, puisque je suis complètement athée, mais en ayant un rapport à un grand espace vide et au son qui peut s'insérer dans un lieu qui a un usage, une identité et aussi un volume. Voilà. Emma et Julien, vous avez, vous êtes au Mois Multi actuellement à Québec. Vous avez présenté hier une pièce qui s'intitule Météo mondial. J'en fais d'abord entendre un extrait à nos auditeurs et puis on parle de ce beau projet. Bagdad, 21h23, 46 degrés, ensoleillé, extrêmement chaud. Riyad, 21h23, 40 degrés, nuages passants, extrêmement chaud. Mexicali, 11h23, 38 degrés, temps clair extrêmement chaud. Abu Dhabi, 22h23, 38 degrés, tempête de sable, extrêmement chaud. Dubaï, 22h23, 38 degrés, tempête de sable, extrêmement chaud. Kuwait City, 21h23, 38 degrés, nuit calme, très chaud. Makka, 21h23, 38 degrés, nuit claire, très chaud. Médina, 21h23, 38 degrés, nuit claire, extrêmement chaud. Doha, 21h23, 37 degrés, nuit claire, très chaud. Madrid, 20h23, 36 degrés, nuages épars, très chaud. Manama, 21h23, 36 degrés, nuages passants, nuit très chaude. Phoenix, 11h23, 36 degrés, nuages épars, très chaud. Nicosia, 21h23, 35 degrés, nuages épars, extrêmement chaud. Djibouti, 21h23, 35 degrés, nuit claire, temps chaud. Little Rock, 13h23, 35 degrés, nuages épars, chaud. Rome, 20h23, 35 degrés, ensoleillé, chaud. Vatican City, 20h23, 35 degrés, ensoleillé, chaud. Atlanta, 14h23, 34 degrés, ensoleillé, temps chaud. Ashgabat, 23h23, 34 degrés, nuit claire, temps chaud. Columbia, 14h23, 34 degrés, ensoleillé, chaud. Jackson, 13h23, 34 degrés, nuages fragmentés, extrêmement chaud. Kansas City, 13h23, 34 degrés, nuages passants, chaud. Salt Lake City, midi 23, 34 degrés, matinée nuageuse, temps chaud. Midland, 13h23, 34 degrés, ensoleillé, extrêmement chaud. Yerevan, 22h23, 33 degrés, ensoleillé, temps chaud. On vient d'entendre Météo Mondiale. Julien, Emma, dites-moi, quelle est la genèse de ce projet-là? Comment ça démarre? Parce que c'est tout de même une aventure un peu mystérieuse comme déploiement à la fois sonore, scénique. C'est un peu une histoire de domino, comme souvent dans les projets. C'est un qui donne un autre, qui donne un autre. Et puis des histoires d'accidents aussi. Donc pour parler de la genèse de Météo Mondiale, il faut parler d'un autre projet qui s'appelle Modulation. Parce que la première fois qu'on a fait la météo, c'était dans Modulation. Modulation, c'est un projet de micro-radio participatif qui se fait en montagne, dont le dispositif est très simple. On choisit un endroit avec une vue dominante dans lequel on va aller passer 24 heures, si possible accessible uniquement à pied, dans lequel, sur lequel on monte un émetteur radio, une batterie, une table de mixage et quelques micros. Il y a une liste pour s'inscrire qui est montrée vierge sur place, donc un espèce de planning. Et les gens s'inscrivent et puis ensuite pendant 24 heures se succèdent. Toutes les heures, il y a quelqu'un de différent qui vient, qui se branche dans la console et qui fait de la musique expérimentale, minimaliste, du noise, de la poésie sonore, des lectures. Tout ce qui peut rentrer en gros décemment dans une table de mixage ou dans un micro. Et donc ça, c'est un projet qui existe depuis 2009, quelque chose comme ça, qui a été fait dans différents endroits, que j'essaie de faire une fois par été, qu'on fait à deux avec Emma depuis quelques années. Et là, on s'est installé dans un petit village du sud des Hautes-Alpes en 2013, et on a fait assez naturellement une édition dans la montagne au-dessus de notre village, donc c'est un peu plus de 1000 mètres. Et ben voilà, il y a 24 heures d'antenne du coup à faire. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la radio au départ, puisque je me sens pas non plus un compositeur. Le CD, c'est un endroit que j'ai, ou le vinyle, c'est un endroit que j'ai du mal à penser, parce qu'en termes d'espace, c'est compliqué. C'est quelque chose qui reste assez plat pour moi. Et la radio, c'est un peu la même question, c'est-à-dire cette abstraction du studio, c'est un espace qui est complexe pour moi à penser en termes de composition ou de construction d'une continuité. Et donc je travaille toujours plutôt le son dans l'espace, et il me faut un espace sous les yeux. Et modulation, on se retrouve, on est sur des plateaux, avec de la vue en plein air. Et c'est un projet qui a tiré quand même par sa spécificité radio, puisque la diffusion se fait uniquement sur des radios que les gens ramènent. Donc il y a un endroit où c'est un orchestre de radio, un espèce de mini-acousmonium collaboratif qui a une plasticité étonnante, puisque les gens déplacent leur radio en même temps qu'ils se déplacent, qu'ils vont manger, boire, faire un tour dans la forêt, etc., dormir. Et donc dans cette espèce de marathon radiophonique qu'on mène, il y a des créneaux à remplir. Et parce que c'est la radio, ça a attiré beaucoup de gens, dont moi, vers des propositions avec de la voix aussi. Et en 2013... avec Emma, on a proposé une météo mondiale, dans ce dispositif de modulation. Et donc pour creuser encore plus en amont par rapport à la genèse spécifique de ce projet, on peut dire que quand on s'est installé dans notre village des Hautes-Alpes, avant d'avoir produit modulation, on a ouvert un petit studio de radio dans une yourte d'un coin de notre village pour émettre de manière très locale. Et on a essayé de rameuter des gens de notre village pour créer des chroniques. Donc on avait notre chronique de blagues qui durait 5 minutes. On avait notre chronique de différentes choses avec différentes thématiques qui se retrouvaient à chaque émission. Et on a décidé de faire une chronique météorologique, mais de la réinventer et de faire de la création radiophonique à partir de cette contrainte de la météo. Et donc le tout premier bulletin, mais qu'on n'a pas enregistré, je pense, la toute première fois qu'on l'a fait, c'était à cette occasion-là. Et c'était une version plus courte. Et c'était une version un peu plus courte, oui. Et si on rappelait aux auditeurs là, le dispositif, la manière dont ça fonctionne, la météo mondiale? On a un petit robot qui part sur Internet, qui va aller aspirer les données météorologiques de 500 villes, qui va les classer par température croissante. Donc on part dans le froid, entre moins 40 et moins 50, et puis au fur et à mesure que la performance avance, on monte dans les températures positives. Et donc pour chaque ville, Emma donne le nom de la ville, l'heure qu'il y est, la température qu'il y fait, l'état du ciel, puis ça passe à la ville suivante et ça construit une espèce de prosodie comme ça qui fait penser à toute cette poésie sonore des listes, cette esthétique de la liste qu'on aime bien. Et moi je l'accompagne au synthétiseur modulaire avec un projet musical qui est basé beaucoup sur des arpèges, pour moi qui est un petit clin d'œil à la musique minimaliste américaine, quelque part entre Steve Reich et Brian Eno, qui n'est pas américain, mais voilà, dans le champ des musiques ambiantes. On va entendre un extrait de modulation. C'est possible? À modulation, il y a quelques archives. Les premières années, parce que modulation, il y a ce côté très politique, c'est de la pure radio pirate, mais au sens micro-radio, parce qu'effectivement, on est plutôt dans des pratiques de radio dites radio libre. Mais dans le sens, à entendre pour moi, dans le sens de la micro-radio, qui est vraiment cette pratique. Alors j'ai fait de la micro-radio sans le savoir au début, en faisant... disons, je ne savais pas qu'il y avait tout un courant de micro-radio au moment où on a démarré modulation. J'ai découvert après, notamment le travail de Tetsuo Kogawa, qui a développé beaucoup cette pratique de la radio, qui repose sur deux choses. D'une part, des émissions de toute petite puissance à l'échelle d'un pâté de maison, ou d'un appartement, ou d'un immeuble. Et deuxièmement, le fait que le studio est ouvert et que c'est les mêmes gens qui produisent que ceux qui vont écouter. Donc il y a une porosité complète dans le dispositif, ça casse la symétrie et ça casse aussi la structure pyramidale entre un émetteur et une multiplicité de récepteurs. Et là, il y a quelque chose qui circule qui fait que le studio devient un lieu qu'on habite et qu'on partage. Julien, je t'arrête, on écoute modulation et puis on revient sur toute cette notion de à la fois de radio pirate, de radio de proximité, de lien quasi communautaire, affinitaire. Je suis venu au monde. J'ai été conçu, engendré, mes os se sont formés. Je suis né. Consigné au registre des naissances, j'ai grandi. J'ai commencé à gigoter. J'ai bougé certaines parties de mon corps, articulé mon corps. J'ai barboté sur place. Je me suis laissé manipuler. Je me suis déplacé de là à là. On m'a forcé à bouger. Je me suis mis à marcher. J'ai remué les lèvres. J'ai découvert que j'existais. J'ai attiré l'attention sur moi. J'ai crié. J'ai commencé à parler. J'ai entendu des bruits. J'ai reconnu les bruits. Je me suis bruyamment manifesté. J'ai émis des sons, des bruits et des chuchotements. J'ai pu parler, j'ai pu crier, j'ai pu me taire. Eh bien, vous êtes sur les ondes de CKRL, le 89,1. C'est la Croche-Oreille qui s'entretient ce soir avec les artistes Julien Claus et Emma Loriot, deux artistes sonores dont la démarche autour des ondes radio et de la radiophonie est franchement très singulière, originale. Pour rappel, Julien Claus présentait en février dernier à la Galerie Regard à Lévis une installation regroupant une vingtaine d'émetteurs radio miniatures fixés au mur, des émetteurs dont les fréquences oblitérantes permettaient aux visiteurs d'explorer à l'aide de postes de radio conventionnels la nature insoupçonnée des ondes qui traversent nos espaces. Emma Loriot et Julien Claus ont en outre performé devant le public et sur les ondes de CKRL un projet intitulé Météo mondial dont ils nous ont parlé en première partie d'émission et ont également réalisé cette performance avec la complicité de nombreux lecteurs et lectrices. La lecture longue durée du roman Le Plongeur de Stéphane Larue, lecture retransmise sur les ondes furtives d'une radio tout aussi furtive. Alors, on écoute ensemble la suite de l'entretien que m'accordaient il y a quelques semaines Emma Loriot et Julien Claus. Emma et Julien, je reviens sur cette question qu'on a abordée il y a quelques minutes sur les radios pirates, la radiophonie de proximité que vous exploitez depuis quelques années. C'est extrêmement intéressant. Peut-être une occasion de parler de ce projet aussi qui est à la Galerie Regard à Lévis durant le mois multi. Là, je fais le pont, mais pour reprendre sur cette idée, parce que je pense qu'il y a tout de même du lien dans ce travail. Il y a un premier lien qui est que les émetteurs que j'ai construits, donc il y a 30 émetteurs qui diffusent. L'intention, c'est de couvrir toute la bande FM, c'est-à-dire que je fais pas une station de radio, mais j'en fais 30. Je sature la bande, ce qui fait qu'en se promenant dans la galerie avec une petite radio et en se déplaçant avec le tuner de la radio sur la bande, on rencontre uniquement mes propositions. Donc c'était une idée un peu d'une part d'expérimenter des dispositifs de brouillage, de se réapproprier les ondes avec toute la dimension politique que ça comporte aussi, à savoir que si on considère les ondes comme de la lumière, c'est un espace qui devrait être public et accessible à tout le monde. Et sachant que là, c'est des émissions de très petite puissance, donc les émissions restent circonscrites à l'intérieur de la galerie. Et puis la deuxième idée en tâche de fond, c'est un peu de construire la bande FM de mes rêves, c'est-à-dire ce que j'aimerais croiser quand je rentre dans ma voiture et je peux me déplacer n'importe où avec mon tuner et je vais croiser de la musique ambiante, du noise, de la police sonore, des émissions scientifiques, de la philo, des spying numbers, de la radio naturelle. Il y a tout de même une dimension extrêmement à la fois critique de la radiophonie actuelle, je veux dire au sens très très large du terme, et aussi un engagement qui est quasi politique là, au sens étymologique du terme, au sens où vous cherchez tout de même à dresser comme un contre-pouvoir à travers des expériences sonores. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Pour moi, la définition de base de la question politique, c'est pas tant au premier abord d'établir un contre-pouvoir, plus que de savoir comment on fait pour fonctionner ensemble. Donc sans tomber dans ce mot valise qui est hyper utilisé partout aujourd'hui, qui est le vivre ensemble, qui est un peu trop fleuri à mon goût. Mais donc ça, moi, la manière dont j'aborde la radio, par exemple, c'est un outil qui permet de faire du lien et de se poser la question de savoir pourquoi on a besoin de faire du lien, et est-ce que vraiment on a besoin de faire du lien, et puis qu'est-ce que ça fait ressortir dans ce lien qu'on établit. Oui, je pense qu'on peut dire aussi de façon assez binaire qu'à partir du moment où on allume un émetteur, on fait du politique de la même façon qu'à partir du moment où on prend la parole dans un espace public. Ensuite, effectivement, faire de la radio, que ce soit de la radio libre ou de la radio officielle, c'est se positionner dans des dispositifs aussi de réglementation, etc., ou décider de se placer à côté par rapport à une occupation d'un espace qui, là, pour le coup, est assez subtil puisqu'il est invisible et hors de nos sens. Donc, il y a quelque chose qui est... ouais, en un sens politique. La question de l'engagement, elle est assez délicate parce que... là, ça fait quelques années. Je travaille aussi avec un autre collectif où on développe des systèmes hybrides entre de la radio web et de la radio FM. Et où l'idée, c'est vraiment de penser la radio sur un principe de système pair à pair, donc de casser encore plus le système pyramidal et de possibilité de proposer une multitude d'entrées à l'intérieur du réseau. Et j'ai croisé plein d'acteurs des radios libres des années 80 qui me racontent ce qu'ils ont vécu eux à cette époque-là, où c'était la course avec la police, les détections d'émetteurs, etc., les saisies de matériel. Il y avait énormément de surveillance dans quasiment toute l'Europe. Et il y avait des radios libres qui étaient sur un enjeu de toucher le plus de public possible avec, pour déjouer aussi les radios d'État, le contrôle d'État, la censure, etc. Et cette situation a totalement disparu avec le web. Donc il y a un endroit où la parole s'est vraiment libérée. Et par contre, l'espace hertzien, il s'est de plus en plus privatisé. Donc en fait, on combat plus les mêmes choses. On se situe plus aux mêmes endroits. Maintenant, on fait de la radio libre. C'est faire de la radio libre actuellement, c'est plus aller se battre contre des radios commerciales que d'aller ouvrir des espaces de parole, parce que ces espaces de parole, ils sont là sur le web, partout. Après, il y a des spécificités à la radio. Écouter quelque chose à la radio, c'est être dans une situation totalement indétectable, ce qui n'est pas du tout présent sur le web. Dès qu'on rentre sur le web pour aller écouter, à moins d'avoir des systèmes particuliers pour se cacher, on se signale, en fait. On est présent. Il y a une présence qui est toujours là. La radio, elle a cette spécificité aussi que l'auditeur, il a une transparence dans le dispositif qui est tout à fait singulière. Des normes et précautions impératives, normas y cautelas imperativas, s'imposent à quiconque, se imponen a cualquiera, parle devant un micro, habla delante de un microfono, ou écrit un texte destiné à la radio, o escribe un texto para la radio. La non-observation des dites normes ou précautions, la non-observation de las dichas normas, peut rendre intransmissible un texte par ailleurs excellent. Puede devolver un texto intransmitible, aunque sea excelente. La rédaction se trouve alors dans la situation ingrate. La redacción se encuentra entonces en una situación ingrata. De ne pouvoir le diffuser. De no poder difundirlo. Il faut noter que. Es de notar que. Les règles fondamentales du langage radiofonique. Las normas fundamentales del hablar radiofónico. Expriment autant une exigence technique. Exprimen una función técnica como. Qu'un droit économique et intellectuel de l'auditeur. Un derecho económico e intelectual del auditor. L'abonné qui paye un service. El ocio que paga un servicio. Exige que ce service. Exige que este servicio. Lui soit rendu comme il se doit. Le sea devuelto como se debe. Les paramètres de l'écoute radiofonique sont. Las parametras de la escucha radiofónica son. Accessibilité physique du programme. Accesibilidad física del programa. Clarté. Claridad. Bonheur rythmique. Felicidad rítmica. Limpidité de la diction. Limpidez de la dicción. De là découlent les observations suivantes. De ahí vienen las observaciones siguientes. Un texte lu d'un seul tenant n'est pas supportable. Un texto leído de un solo trato no es soportable. Au-delà de 15 minutes. Más allá de 15 minutos. Une voix seule est monotone. Una voz sola es monótona. Débitée à travers le haut-parleur. Et dicha a través del portavoz. Étant privée du secours de la présence physique. Siendo sin la presencia física. De la gestuelle ou de l'attitude du locuteur. De l'attitude y de la, del movimiento del auditor. Ennuie l'auditeur au bout d'un quart d'heure. Annoya el auditor después de un cuarto de hora. Quelle que soit la forme et le contenu de la locution. Sea cual sea la forma de la locución. 15 minutes de discours. 15 minutos de discurso. Représente 180 lignes dactylographiques. Líneas dactilográficas. Aucune causerie à une voix. Ninguna charla a una voz ne peut dépasser cette limite. Puede superar ese límite. Si l'on prévoit une intervention plus longue, si se prevé una intervención más larga, il faut construire le texte. Debemos construir el texto de façon à pouvoir le dire de à deux a poder voix, decirlo a dos veces, trois voix ou dos plus voces encore. O tres. L'auteur devra organiser son texte sous forme de dialogue. Et l'auteur devra organiser son texte en forme de dialogue. Au moyen de la dialectique des questions-réponses. Grâce à la dialectique des questions et ou bien des thèses antithèses. Ou des thèses antithèses. Ou encore, plus délicatement. Ou más delicado. D'une succession de moments expressifs. D'une succession de momentos expressivos. Qui se suivent que se siguen, en se complétant et s'amplifiant. Pour rendre les passages dialogués. Para volver los pasajes dialogados. Il est courant de recourir. Emma Loriot, Julien Claus, on poursuit cette belle rencontre et vous allez à partir de demain, évidemment l'émission est préenregistrée, mais à partir de demain au Tam Tam Café, vous présentez un beau projet basé sur une lecture de longue durée avec un projet qui s'intitule On entend lire jusqu'au bout. Et là, je vous laisse la parole pour me parler de ce projet. Alors, c'est un dispositif de lecture marathon qui permet effectivement de lire un livre en entier sans s'arrêter, qui invite le public à être tour à tour auditeur et lecteur, suivant l'envie de chacun. Ce dispositif-là de lecture est englobé par un dispositif de micro-radio qui permet d'insérer et la fiction et le fait d'être ensemble pour un but commun dans un lieu particulier, qui est le Tam Tam Café cette fois-ci. Ça permet de circuler dans l'espace et aussi à travers le temps, puisque là on part sur 15 heures environ de lecture avec Le Plongeur de Stéphane Larue. En plus du dispositif de lecture, plus la micro-radio, on accompagne tout ce moment-là par une dégustation de mets qui entrent en résonance avec la fiction du livre et qui seront préparés par Cécile Clauzel, qui est une amie à nous, qui est à la fois auteure et théoricienne, mais qui est aussi cuisinière, et qui est très douée pour trouver les inventions culinaires qui vont aller avec le roman et avec le marathon. Et la spécificité ou la caractéristique de ce projet, c'est que les auditeurs et les émetteurs sont en étroite relation. Oui, on retrouve un peu le système de micro-radio que je décrivais pour modulation. Donc il y a un petit salon de lecture, c'est-à-dire une table basse avec des fauteuils autour, une place, dite la place du lecteur, avec une bonne liseuse pour avoir la lumière qu'il faut à toute heure du jour et de la nuit, et un micro qui part directement dans une petite mixette et un émetteur, qui lui va aller envoyer ses ondes à toute une série de postes radio, des petites radios à main qui sont disposées dans tout l'espace. Donc il y a un relié radio comme ça qui fait que on peut écouter la lecture en tout point du lieu, puisque ça se passe au Tam Tam Café, et les lieux dans lesquels on le fait sont des lieux où il y a toujours une multiplicité d'espaces, le salon de lecture, un endroit où on peut plus ou moins somnoler, un réfectoire pour manger, une cuisine dans laquelle le public circule aussi, les toilettes, un extérieur pour fumer, etc. Et l'idée, c'est qu'il y ait des radios partout, c'est-à-dire qu'on puisse se déplacer dans cet espace sans jamais perdre le fil, et en même temps qu'on soit pas du tout dans une situation concertante face à un gros système de diffusion qui fait qu'on ne pourrait pas échapper au son, mais plutôt à une situation d'écoute très domestique, voilà, où on retrouve la radio dans la cuisine, celle dans la salle de bain, et où on peut avoir à la fois une écoute très attentive et en même temps basculer vers des écoutes plus ou moins distraites, parce qu'on est à table et qu'on discute avec ses voisins et qu'on... Voilà. Et aussi, la spécificité de ce dispositif de micro-radio qui est au cœur du projet permet d'inscrire dans un espace réel un décor fictionnel, mais sans que ça devienne du spectacle. C'est-à-dire qu'on ne représente rien, mais on revient à ce dont on parlait au départ, c'est-à-dire qu'on donne à sentir quelque chose d'invisible qui vient s'incruster dans quelque chose qui est visible. Donc ça brouille nos pistes de lecture du réel. Il se passe quelque chose, pour moi, d'assez magique à cet endroit-là. C'est que le temps qu'on passe dans ce roman-là et la façon dont le roman est distribué à l'intérieur du bâtiment, qui fait qu'on va l'écouter de plein d'endroits différents, fait que la littérature devient une espèce d'architecture. On se retrouve à habiter, en fait, le roman, à fixer des moments de lecture en fonction des endroits où on les a entendus. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui n'est pas de l'ordre de la sculpture, mais il y a une inscription du son dans l'espace. C'est un endroit où vraiment on habite le roman, ce qui est une expérience assez singulière. Oui. Puis c'est comme si on abordait l'architecture d'une manière un peu particulière, qui serait de l'aborder par les vides et pas par les pleins. C'est-à-dire pas penser la forme par le solide, mais par ce qui est absent. À 0,9 fois la masse solaire. Rayon 2,7 à 1 fois le rayon solaire. Magnitude de plus 2,21 à 2 plus 2,32. Période 17,36 jours. Luminosité 60 à 0,7 fois la luminosité solaire. Température 9750 à 5400 Kelvin. Âge 3,14 fois 10 puissance 8 années. Vitesse radiale 1,7 km par seconde. Magnitude absolue 0,18 à 5. Anatomie. Entouré d'un grand disque de matière et de poussière. Mizar. Zeta Ursae Majoris. Midzat. Mirza. Mitsar. Étoile de la constellation de la Grande Ourse. Seconde étoile à partir de la fin du chariot. Ascension droite, 13h23 minutes, 55,5 secondes. Environ 5000 ans. Le serpent dragon. La meute de hyènes du ciel arabe. Période orbitale. À zéro. 20,5 jours. C'est l'une des trois étoiles polaires de l'histoire de notre planète. Concernant l'hémisphère coréen de la Terre, Polaris et Gamma viennent successivement occuper la position. Masse. 2,5 fois la masse solaire. Température de surface. 9800 Kelvin, 130 fois l'éclat du soleil. Magnitude plus 2,7. Type A1V. Luminosité 35 fois la luminosité solaire. Température entre 7500 et 9000 Kelvin. Vitesse radiale moins 9 km par seconde. Magnitude absolue 0,33. Anatomie. Binaire spectroscopique. Alpha Ursae Minoris. Riche en silicone et en strontium. Le manège millénaire des constellations. La course large aussi. Déficiente. En aluminium et en calcium. Cortège apparent de toutes ses sœurs. Si énorme. Haute concentration de cérium et de samarium. Et cette ours phénicienne dressée par Thalès est présentée aux cités grecques. Phénicie. Cor Caroli. Alpha 2 Canum. Venaticorum. Alpha 2 C. Composante principale du couple. Alpha 2, étoile, la plus corps caroline. Alpha Prototype de variable de type alpha 2 Canum Venaticorum. Étoile géante orangée. Environ 38 fois le rayon solaire. Classe première étoile la plus brillante de la constellation des chiens de chasse. Étoile polaire d'il y a 3000 ans. Ascension droite, 12h56. Emma, Julien, vos projets futurs là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'est-ce qui s'annonce? Alors moi, j'ai une exposition en cours dans une maison des arts en région parisienne, à Malakoff, où j'ai co-signé deux œuvres qui mettent en forme des procédés alchimiques. Et donc j'ai toute une série de constructions à partir du médium astrologique, puisque je suis astrologue en fait, en parallèle. Et donc j'utilise ma pratique de l'astrologie pour créer des récits et des fictions astrologiques et redonner la part artistique à l'astrologie, et pas que ça reste juste une lecture d'horoscope qui n'a aucun sens à la fin des programmes télé. Et pour moi, je vais commencer à travailler sur une nouvelle pièce qui s'appelle Ground Noise, pour une exposition aux Instants Chavirés à Paris. À l'automne, ouais. Et qui sera une sorte de platine vinyle à lire les reliefs du sol. Donc ce sera une tête de lecture qui tourne. En fait, il y aura trois platines et qui iront scruter les reliefs du sol en béton des Instants Chavirés pour voilà. Julien Classe, Emma Loriot, merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. À bientôt. Je commence par le bout de tes doigts. Je mâche les phalanges. Je broie les métacarpes, les carpes. Je mecte ton poignet. Je désarticule avec beaucoup de délicatesse le cubitus. Je fais pression sur le trochlée. J'arrache, je détache le biceps de l'humérus. Je le mange. Je me repais de toi. Il arrive que mes mâchoires claquent. Je t'avale, je t'églutis. Séparé de l'acromion, tes deux bras sont détachés de tes épaules. Ma salive se répand sur des fragments de chair longue. Il se détache des muscles tombant sur ton cou, tâchant ta gorge toute blanche. Je les prends avec soin entre mes dents. Je les mastique avec voracité. Je te regarde alors. Et de te voir ainsi mutilé, privé de tes deux bras, ton buste ensanglanté, une grande pitié me prend. La nourriture de toi me pèse à l'intérieur de l'estomac. Je me révulse tout d'un coup, je te vomis. Une grande masse liquide à moitié digérée, puante, fumante, s'abat sur ton ventre. Toi, à ce point devenu très pâle, tu te jettes à la renverse. Des larmes jaillissent fortement de tes yeux éclaboussants. Tu dis qu'il t'est insupportable de me voir te vomir. Une plus grande pitié me vient encore. Je me mets à te remanger aussi vite que je peux. Je lèche les dernières bribes sur ton ventre. Je fais disparaître les traces de sang. Je t'absorbe à l'intérieur de moi. « Alors voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir sur des sonorités de Julien Clauss et d'Emma Loriot. Je vous invite à chercher la croche-oreille sur Google pour nous écouter en balado-diffusion. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, sur les ondes de CKRL 89,1 pour une autre aventure sonore de la croche-oreille. Et d'ici là, de tradition, eh bien, soyez attentifs aux sonorités autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.